Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. C'est la nuit. Imaginez une longue et large avenue déserte, telle qu'on en trouve dans les environs de Moscou. Un homme est tapi dans l'ombre. Il attend en fumant. On ne voit que le bout incandescent de sa cigarette. Et soudain, des silhouettes noires et cagoulées surgissent de nulle part. L'homme n'a même pas le temps d'esquisser un geste de fuite. Les nouveaux venus l'ont déjà plaqué au sol et menotté. Une arrestation classique, me direz-vous, opérée par des spécialistes bien entraînés, comme peuvent l'être chez nous les militaires du GIGN. Eh bien, pas tout à fait, car dès que l'individu est maîtrisé, un petit homme bondit sur lui. Il a une corde à la main, et d'un geste sûr, il la passe entre les mâchoires du prisonnier et la noue derrière sa nuque. Puis, il lui arrache sa chemise, tandis qu'un autobus sans fenêtre avance et s'arrête devant le groupe. L'homme, appréhendé, est projeté à l'intérieur, dévêtu, palpé, et le véhicule prend la direction de Moscou. Si les membres de ce commando d'élite du KGB ont agi d'une façon si curieuse en appréhendant cet homme soupçonné d'espionnage, c'est que, instruits par l'expérience, ils ont d'abord tout fait pour empêcher leurs prisonniers de se suicider en avalant du poison, du cyanure, qui aurait pu, par exemple, être dissimulé dans la pointe du col de sa chemise. Instruit par l'expérience, oui, car un autre espion, une taupe de toute première importance, leur aurait ainsi échappé quelques années plus tôt, en choisissant la mort plutôt que de dévoiler le mécanisme de sa trahison. Un homme qui s'appelait Alexander Dimitriovitch Ogornik. C'est son histoire que M. X révèle aujourd'hui, mais, disons-le tout de suite, comme dans toute bonne affaire d'espionnage, la vérité n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît. Ah, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Vous vous souvenez de James Jesus Angleton? Chef du contre-espionnage de la CIA. Oui, oui, un type extrêmement brillant, mais qui avait un grave défaut. Il voyait des taupes partout. Un peu paranoïaque, non? Complètement, vous voulez dire. Et cette soupçonnite aiguë a eu une redoutable conséquence pour les services secrets occidentaux. À commencer, bien sûr, par les services états-uniens. Oui, la paralysie. Et même le démantèlement de secteurs entiers, car Angleton, qui a occupé ce poste prestigieux jusqu'au début des années 70, n'a eu de cesse de traquer la grosse taupe, comme il la nommait, un espion soviétique infiltré au plus haut niveau de la CIA. Mais qui n'a jamais trouvé. Hein. C'est vrai. Mais ça l'a conduit à soupçonner les dirigeants les plus importants de la CIA, les uns après les autres. Et surtout, ça l'a amené à croire que tous les transfuges soviétiques passés à l'Ouest étaient en réalité des créatures du KGB dont la mission était d'intoxiquer les services occidentaux. Alors que lui-même avait bénéficié, il faut le rappeler, des confidences de l'un de ces transfuges. Oui, un certain Golitsyn, en qui il avait une entière confiance, à tel point qu'il lui a ouvert les dossiers les plus secrets de la CIA. Golitsyn, qui, je vous le rappelle, lui a affirmé que les services de renseignement occidentaux étaient truffés de taupes soviétiques, et il en a dénoncé un certain nombre. Vrai ou fausse taupe? Ah, là était la question. En tout cas, Golitsyn et Angleton ont semé un beau désordre dans le camp occidental en menant cette gigantesque chasse aux sorcières. Tant et si bien qu'on a fini par se demander si ce Golitsyn n'était pas lui-même un agent du KGB. Mais c'est un agent envoyé par les soviétiques pour désorganiser les services de l'Ouest. En effet. Ouais. Et les esprits les plus affûtés ont fini par penser que la mystérieuse grosse taupe était peut-être James Angleton lui-même. Ouais. Angleton, agent du KGB? Pourquoi pas? Il faut se souvenir que l'homme qui l'a formé aux techniques du contre-espionnage n'était autre que Kim Philby. Ouais, une des fameuses taupes, une vraie, là, de Cambridge. Ouais. Mais à propos d'Angleton, on n'a jamais rien prouvé. C'est exact. Alors, je reviens à ce que je disais. Pendant toute l'ère d'Angleton, les transfuges en provenance de l'Est et qui venaient proposer leur service à la CIA ont été suspectés et même écartés. Un seul exemple, celui de Yuri Nosenko, un officier du KGB. Quand, en 1964, il arrive aux États-Unis, il affirme être porteur d'une information capitale. Après avoir mené une enquête minutieuse au sein des services soviétiques, il affirme que Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé du président Kennedy, n'était pas une créature du KGB. Et c'était une question, ça, qui obsédait toujours les services secrets états-unis. Naturellement. Et nombreux étaient les gens de la CIA qui pensaient que le KGB avait commandité l'assassinat de JFK. Et Angleton était forcément de cela. Et bien entendu. Alors à peine Nosenko a-t-il touché le sol américain qu'il est embastillé et mis au secret. On va même lui construire une prison où il croupit pendant 3 ans, enfermé dans une cellule où la lumière brûle jour et nuit. Il lui est en outre interdit de lire ou d'écrire. Un vrai gâchis. Car ce Nosenko, même s'il était légitime de commencer par le suspecter, aurait certainement transmis des informations de première main sur le KGB. Oui, mais après 3 années de détention au secret, j'imagine que les informations qu'il possédait étaient périmées. Forcément. Quoi qu'il en soit, le cas Nosenko fait école. Et jusqu'au début des années 70, non seulement la CIA refuse de prêter attention aux éventuelles propositions des candidats à la défection, mais elle cesse d'essayer de recruter des espions à l'Est. Oui, parce que Angleton a toujours peur qu'on lui mette dans les pattes des agents doubles, chargés de déstabiliser son agence. Alors qu'il est le premier à effectuer cette besogne. Toutefois, ça change, avec l'émergence de nouveaux responsables à la tête de la CIA et la mise à l'écart progressive de James Angleton. Mais, bien au contraire, on décide d'accueillir à bras ouverts les soviétiques qui manifestent leur intention de travailler avec l'agence. Cependant, il y a une condition. Quoi? Le candidat généralement recruté hors du territoire de l'URSS. Hors du territoire pour des questions de sécurité. Bien entendu. Ouais. Dans une société aussi policière qu'est celle de l'URSS, il est pratiquement impossible à un occidental de recruter une taupe. Surtout si elle occupe un poste important au KGB ou ailleurs. Car il y a de fortes chances qu'elle fasse l'objet d'une surveillance régulière. Ouais, c'est pour ça que vous disiez que les taupes doivent être recrutées hors de l'URSS. Dans les ambassades ou les missions économiques. Mais pour être vraiment utile, ce candidat à la trahison doit accepter de repasser un jour ou l'autre derrière le rideau de fer. Ouais, parce que c'est là que se trouvent les vraies informations. Ouais, les plus importantes en tout cas. Certes, dans une ambassade, à condition d'occuper un poste de premier plan, On peut avoir accès à certains renseignements, mais ça ne suffit pas. Alors, venons-en à cette histoire que j'ai l'intention de vous raconter aujourd'hui. En fonction de la nouvelle politique de la CIA, tous les chefs de poste, dans le monde entier, ont été invités à faire tout leur possible pour recruter les Soviétiques. Et c'est ainsi qu'Alexander Ogorodnik va tomber dans les filets de la CIA. Qui est-ce ? Et où se trouve-t-il alors ? C'est un jeune diplomate, très bien noté, et qui est alors en poste à l'ambassade soviétique de Bogota. Bogota, en Colombie. Et pourquoi lui ? Enfin, je veux dire, comment les agents de la CIA l'ont-ils repéré ? Étant donné sa jeunesse et l'avenir brillant qui lui est promis, Ogorodnik est une cible très intéressante. Et puis, il y a autre chose, et c'est assez classique. En l'espionnant et même en le plaçant sur écoute, les types de la CIA découvrent que Ogorodnik a une maîtresse, une Colombienne, Diana. Il est marié, en fait ? Oui. Donc, il y a la possibilité d'un chantage. Certainement, d'autant que cette Diana est enceinte des œuvres du jeune diplomate. Encore plus. Et puis, Ogorodnik a enfreint les consignes des organes de sécurité qui interdisent aux Soviétiques en poste à l'étranger toute relation sexuelle avec une ou un autochtone. Ouais, pour éviter toute possibilité de chantage. Et les confidences sur l'oreiller, Par conséquent, il s'est mis en faute, du point de vue soviétique. Et du point de vue conjugal. Toutefois, les agents de la CIA qui se trouvent à Bogota vont agir très habilement. Les écoutes en particulier leur ont appris qu'Ogorodnik était éperdument amoureux de sa Diana. Et ça, c'est une information capitale. Pourquoi ? Parce que plutôt que d'exercer un banal mais brutal chantage sur le jeune diplomate, il s'adresse à sa maîtresse. Et c'est par amour qu'Ogorodnik va trahir sa patrie. Expliquez ça. Diana, je vous l'ai dit, est enceinte. Mm-hmm. Elle a très peur que son amant, rappelé un jour ou l'autre en URSS, ne l'abandonne. Elle est donc décidée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour garder Alexander près d'elle. Et assez naïvement, elle pense que si elle persuade Ogorodnik de collaborer avec la CIA, il pourra demeurer en Occident. Mmh. Ouais, naïvement en effet, car si les agents états-uniens arrivent à recruter Ogorodnik, d'après ce que vous m'avez dit, ils n'auront rien de plus pressé que d'obtenir qu'il retourne en URSS. En effet. Ouais. Et vous voyez bien que, dès le début, les dés sont biaisés. Ouais. Et que la CIA a trompé cette Diana. Hein. Bon. C'est malheureusement vrai. Mais, en matière d'espionnage, seul le résultat compte. Et dans l'affaire qui nous occupe, c'est apparemment le cas. Pourquoi vous avez dit apparemment, là ? On en parlera tout à l'heure, si vous le voulez bien. Diana, donc, marche à fond dans le jeu des agents américains. Elle leur transmet même le carnet intime de son amant. Un journal où la CIA découvre, non sans satisfaction, qu'Ogorodnik n'apprécie guère le système soviétique. Attendez, mais il a mis ça par écrit. Enfin, c'est très, très, très imprudent, non ? Ça, je le pense aussi, mais retenez bien le détail, car il a son importance. Ouais, encore des mystères. Je vous en prie. Et notez-le bien. Cette confidence échappée de son journal intime avait dû aussi faire chaud au cœur de Diana. Oui, parce que ça signifiait que son amant ne retournerait jamais vivre sous un régime abhorré. Naturellement. En tout cas, enfin, les types de la CIA, là, après cette lecture, peuvent penser que la moitié du chemin est faite. Oui, ouais, décidément, les choses se présentent très bien. Et désormais, c'est à Diana de jouer et de convaincre son amant d'accepter un rendez-vous avec un citoyen états-unien. Un type de la CIA, naturellement. France Inter, rendez-vous avec X. Milton Burden est un ancien agent de la CIA. Avec le journaliste James Reason, il a publié en 2003 CIA KGB, le dernier combat, paru en France chez Albin Michel. Selon Burden, l'artisan de la nouvelle politique de la CIA, consistant à recruter toujours plus d'espions dans les hautes sphères de l'URSS, est un certain Burton Gerber, je cite. Durant ses années de formation en tant qu'officier traitant en Europe de l'Est, Gerber avait été le témoin de l'amateurisme et souvent de la maladresse qui avait caractérisé les premières tentatives faites par l'agence pour collecter des informations en URSS, éphémère succès se transformant invariablement en échec cuisant. Il avait également dû supporter la mentalité maladive et destructrice de James Jesus Angleton, le tristement célèbre chef du service de contre-espionnage de la CIA. Heureusement pour lui, il se trouvait à l'étranger quand la paranoïa d'Angleton atteignit son paroxysme dans les années 60. Bien sûr, il avait entendu les rumeurs qui circulaient, les chuchotements qui faisaient le tour des antennes de la CIA à propos des affaires soviétiques qui allaient mal. Mais quand il regagna finalement le quartier général à l'été 70, il se trouva confronté à la répugnante vérité. Toute l'histoire effroyable était là devant lui, dans des dossiers qu'il pouvait étaler à volonté sur son bureau. Au fur et à mesure de la lecture, chaque page faisait l'effet d'une bombe. Le contenu était stupéfiant, terrifiant, fascinant. Des vies avaient été ruinées. Et ces dossiers avaient le pouvoir de faire davantage de dégâts encore. Au fur et à mesure de sa lecture, Burton Gerber était amené à remettre en cause tout ce qu'il pensait savoir à propos de l'institution qu'il aimait presque par-dessus tout. Alors ce rendez-vous là entre l'homme de la CIA et Ogorodnik. Le diplomate a accepté sans rechigner la proposition de sa maîtresse. Mais il prend quand même quelques précautions. Et il choisit comme lieu de rendez-vous un bain turc. Hein? Pourquoi? Quand on est absolument nu, il est difficile de cacher un micro ou un magnétophone, non? Oui, effectivement, c'est assez subtil. Et ça révèle peut-être que Gordnick n'était peut-être pas tout à fait étranger aux méthodes de l'espionnage. Libre à vous de le penser. Ah, ouais. Vous ne voulez pas commenter? Allons, monsieur Penaud, n'allons pas trop vite. Non, mais trêve de plaisanterie. À partir de maintenant, je vous préviens seulement que je vous donne la version américaine de l'histoire de Gordnick. Ah, mais parce qu'il y en a une autre. Pas forcément. Enfin, un petit peu de patience. Dans l'épisode du rendez-vous au bain turc, Alexander Ogorodnik a montré qu'il avait la tête bien vissée sur les épaules et qu'il n'était pas prêt à se lancer dans n'importe quelle aventure. C'est assurément son compenser les agents de la CIA chargés de le recruter. Ah, un bon point, donc. Hein. Et la suite? Ogorodnik a très vite accepté de collaborer avec l'agence états-unienne. Sans contrepartie? Il n'a rien eu à demander, car on lui a tout de suite proposé une rétribution. Une somme mensuelle assez coquette qui lui permettrait plus tard de vivre confortablement à l'Ouest. Ouais, mais une fois de retour de l'autre côté du rideau de fer. Hein. Oui, ça signifie aussi que la CIA s'engage à le faire sortir du RSS en cas de danger. Et ensuite de lui fournir une fausse identité et un hébergement de qualité. Avec sa chère Diana. Bien sûr. Mais auparavant, Ogorodnik doit être testé et entraîné. Précisé, là. Le jeune soviétique doit apprendre son nouveau métier d'espion. Ah oui, la technique, quoi. Tous les trucs qu'utilisent les espions, les boîtes à lettres mortes, les encres, les microfilms, ou encore les moyens de déjouer une filature. Alors, Ogorodnik a des dispositions? Incontestablement. Puis vous avez dit aussi le tester, hein, c'est ça? Oui, on lui demande de photographier le courrier diplomatique de son ambassade. Ce qu'il fait? Sans se faire pincer, oui. Et c'est ainsi qu'il communique quelques pièces intéressantes à la CIA. À l'époque, il ne faut pas l'oublier, l'agence est engagée dans plusieurs opérations subversives en Amérique du Sud. Et il n'est pas indifférent à Washington de savoir ce qu'en pensent les soviétiques. Est-ce qu'ils en connaissent? Évidemment. Ouais. Puis on passe à la phase suivante, la préparation de son retour à Moscou. Et à la CIA, on est tellement persuadé qu'Ogorodnik est une recrue de choix qu'un grand pont de l'anglais, la base de l'agence près de Washington, se déplace en personne à Bogota pour le saluer et lui dire en quelle estime on le tient. Et c'est le tapis rouge, en somme. C'est à peu près ça, ouais. Ouais. Et ce haut responsable occupera ensuite la direction du poste de la CIA à Moscou. Sous couverture diplomatique? Évidemment. Il sera donc le supérieur de l'officier traitant qui sera attribué à Ogorodnik. Quoi qu'il en soit, la rencontre entre l'homme de la CIA et le diplomate soviétique se passe très bien. Heureusement, car Gornick doit avoir à tout prix confiance. La qualité de son futur travail de taupe est à ce prix. Je comprends, oui. Ici, j'ouvre, vous voulez bien, une petite parenthèse. Mmh. Au cours de cet entretien à Bogota, Ogorodnik, nom de code Trigon, a une exigence. Trigon, oui. Ouais. Bon. Et l'exigence, là? Oui, il demande qu'on lui confie une capsule de cyanure. Pour éventuellement se suicider? S'il est pris, oui. Et l'homme des services de l'anglais s'empresse de satisfaire cette exigence. Il faut dire qu'au milieu de ces années 70, à la CIA comme à la Maison-Blanche, on est inquiet, malgré la volonté de détente qui est affichée de part et d'autre du réseau de fer. Vous en souvenez sans doute, le KGB est maintenant dirigé par un homme particulièrement redoutable. Oui, c'est Yuri Andropov. Hein. Oui, ouais. Le grand maître des manœuvres de désinformation. Un homme qui, tout en menant une lutte vigoureuse contre les dissidents, va organiser une véritable chasse aux renseignements scientifiques et technologiques. Afin que l'URSS fasse des économies en matière de recherche. En outre, ouais. Les soviétiques, malgré les accords de limitation de la course aux armements... Attendez, ça c'est les accords SALT. Hein, oui, SALT 1, ouais. En effet. Donc les soviétiques se lancent dans un vaste programme de modernisation de leur matériel militaire, tant conventionnel que nucléaire. Ils essaient en particulier de mettre au point la bombe à neutrons. L'arme qui tue les hommes et épargne les matériels. Et aux États-Unis, des voix de plus en plus inquiètes se font entendre. La CIA serait coupable de sous-estimer le potentiel militaire soviétique. Mais d'où l'importance de posséder à Moscou une taupe efficace. Bien entendu. Ouais. Mais encore faut-il, attendez, que Gorodnik soit affecté à un poste où il a effectivement accès à de précieuses informations. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas gagné d'avance. Ouais. Et puis son retour à Moscou n'est pas acquis. Ça. Enfin, c'est quand même Moscou qui décide. Aussi Ogorodnik précède-t-il le mouvement en demandant sa mutation en URSS. Et ça, je pense que c'est une initiative assez rare. D'habitude, les diplomates soviétiques en poste en Occident n'étaient guère pressés de regagner la mère patrie. Hein. C'est juste. Aussi s'empresse-t-on de lui donner satisfaction. Ouais. Et est-ce qu'il a demandé une affectation précise? Le ministère des Affaires étrangères. Ouais. Et c'est logique, étant donné son expérience de diplomate. Mais est-ce le poste qu'espéraient pour lui ses patrons états-uniens là? C'était en tout cas un début, car bientôt, Ogorodnik va être affecté à un poste ultra-sensible, le département de planification de la stratégie du ministère. C'est la bureaucratie, hein. Pourquoi ultra-sensible? D'abord, parce que c'est le seul service du ministère auquel le KGB accorde toute sa confiance. Ensuite, parce que c'est le département où l'on voit défiler tous les câblogrammes envoyés par les ambassades soviétiques. Et alors une sorte de, comment dire, de gare de triage ouverte sur le monde entier. En quelque sorte. Toutefois, au siège de la CIA, on commence par s'inquiéter très sérieusement. Pour quelle raison? Pendant 6 mois, Trigon ne se manifeste pas. Mmh. En fait, quel a été le système de communication retenu? Les boîtes à lettres mortes. Ah, ouais. Je vous rappelle simplement, car nous en avons souvent parlé, qu'il s'agit de dissimuler dans une cachette déterminée à l'avance un message ou des documents. Le but, c'est d'éviter tout contact physique entre la taupe et son officier traitant. Oui, cette boîte aux lettres, ça peut être un trou dans le sol, une enfractuosité dans un mur, etc. Oui, il y a aussi toute une série de signes de reconnaissance pour indiquer si cette boîte a été relevée ou non. Mais enfin, passons. Vous en savez presque autant que moi. Oh, c'est trop généreux. Et l'officier traitant, là, qui est-ce? Une femme, une certaine Nicole. Un pseudo? Évidemment. Mais ce choix d'une femme employée à l'ambassade états-unienne... Donc bénéficiant de l'immunité diplomatique. Hein, oui, ce choix, disais-je, ne doit rien au hasard. Les Américains considèrent qu'au KGB, on est plutôt macho. Par conséquent, on n'imaginera jamais qu'une femme puisse être mêlée à une affaire d'espionnage. Attendez, ça me semble un peu naïf, parce que le KGB, de son côté, n'a jamais hésité à employer des femmes. Hein. Les fameuses hirondelles. Bah oui. Mais leur mission était d'abord de nature sexuelle. Toutefois, nous éloignons peut-être un peu. Alors, je reviens à ce que vous disiez là, ces 6 mois de silence. Vous avez une explication? À vrai dire, non. Mais parfois, il n'est pas inutile de se faire désirer. Et quand enfin, Ogorodnik, dit Trigon, a repris contact selon la procédure prévue, à l'anglais, on a poussé un gros soupir de soulagement. D'autant que la taupe a inauguré sa collaboration en livrant une formidable moisson de documents. France Inter, rediffusion de l'émission de Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Monsieur X a parlé de l'inquiétude grandissante des services états-uniens au milieu des années 70 quant à l'évolution de l'URSS. Confirmation, dans l'ouvrage de Claude Moniquet et Genoveffa Etienne, paru aux éditions du Félin sous le titre « Histoire de l'espionnage mondial ». En voici un extrait. Le 1er octobre 1975, la CIA constate dans un rapport de plusieurs dizaines de pages consacré à l'évolution de l'URSS, les développements des dernières années ont donné à l'URSS une confiance grandissante dans sa propre sécurité et ses positions stratégiques, ainsi que dans sa capacité à s'opposer à ses adversaires dans des conditions favorables. L'URSS a également été encouragée en voyant les États-Unis souffrir d'une perte d'influence dans certaines régions, faire face à des difficultés économiques chez eux et à l'étranger, et en arrivant sous la pression intérieure à diminuer leur rôle mondial. Sur la base de ces considérations, Moscou estime que les États-Unis ne jouissent plus désormais d'une évidente prédominance mondiale. Mais si l'Union soviétique semble désormais plus sûre d'elle, elle doit aussi faire face à de nouvelles menaces qui, dans les années précédentes, avaient déjà touché l'Europe occidentale, entre autres l'irruption du terrorisme. Pour la CIA, l'opération Trigon est donc un succès incontestable. Grâce aux documents microfilmés par Goronik, les Américains ont une vue d'ensemble sur la politique soviétique et sur les manœuvres secrètes du KGB. Et des synthèses partent directement de l'anglais pour atterrir sur les bureaux du président Ford et de son secrétaire d'État Henry Kissinger. Et ça dure des mois et des mois. Toutefois, le diplomate donne des signes de lassitude. Ah bon, pas le stress ? Mais aussi la séparation avec Diana. La CIA juge la situation si préoccupante que, à l'encontre de toutes les règles en usage, elle lui envoie un agent, un type chargé de lui remonter le moral. Ça aussi, une rencontre physique, c'est extrêmement dangereux. Et vous pensez bien que les deux hommes prennent 1000 précautions avant de prendre contact. Toutefois, vous avez raison, les gens de la CIA ont pris là un risque sérieux. Mais, semble-t-il, ils ont eu raison, car Goronik reprend sa tâche de plus belle. Il faut aussi dire qu'à l'anglais, on a veillé à ce que les ponts ne soient pas coupés entre la taupe et sa maîtresse. Mais pas de coup de fil, quand même. Non, mais des lettres glissées dans le courrier très spécial qu'Ogoronik échange avec son officier traitant. Et alors, ce manège dure longtemps ? Oui, mais soudain, au cours de l'hiver 76-77, Trigon ne donne plus signe de vie. Alors, que se passe-t-il à nouveau ? La CIA, on n'en sait rien, mais on craint le pire. Goronik a-t-il rompu les ponts par prudence ? C'est parce qu'il a peut-être eu l'impression d'être particulièrement surveillé. C'est une explication. Ou alors il a été arrêté. Et c'est malheureusement cette dernière hypothèse qui est retenue lorsqu'à l'été 1977, la pseudo-Nicole, se rendant une fois de plus pour voir si sa boîte à lettres morte a reçu du courrier, tombe dans un piège. C'est-à-dire le piège là ? Sur un pont, franchissant la Moscova à proximité de sa boîte aux lettres, elle croit voir Goronik. Qu'elle n'a pourtant, vous m'avez dit, jamais rencontré. En principe, oui. Mais elle sait à quoi il ressemble. Aussitôt, pleine d'espoir, elle se précipite pour aller relever sa boîte. Mais des hommes du KGB surgissent. Prise la main dans le sac, Nicole est arrêtée, longuement interrogée, puis relâchée au bout de quelques jours. Parce que, à cause de son immunité diplomatique. Oui. Ouais. Et elle est fermement invitée à quitter le territoire soviétique. Mais à l'anglais, on ne peut plus se faire d'illusions. Goronik a disparu pour toujours. Cependant, un peu plus tard, la CIA fait circuler une version de sa mort, version qui aurait été livrée par un couple d'illégaux travaillant pour le service de renseignement tchèque, le STB. Ce couple, Anna et Karl Köcher, aurait permis au KGB de démasquer Goronik. Ce sont eux qui ont été échangés, hein ? Pour l'appeler, sur le fameux pont de Glinikö contre le célèbre dissident soviétique Tcharansky. En février 1986. Et c'est le non moins célèbre avocat Wolfgang Vogel qui a négocié cet échange. Je vais revenir sur l'histoire du couple Köcher, car ça vaut le coup. Mais auparavant, voyons cette version de la disparition d'Alexander Goronik. Le diplomate est donc dénoncé par les Köcher, qui ont appris qu'une taupe correspondant tout à fait à son profil opérait à Moscou. Mais comment alors ? Les Köcher étaient des agents doubles, et ils ont sans doute bénéficié d'une fuite de la CIA. Quoi qu'il en soit, une fois Goronik identifié, Le KGB le place sous surveillance et acquiert la certitude que le diplomate est bel et bien un espion. Il est aussitôt arrêté et le matériel qu'on trouve à son domicile ne laisse aucun doute sur ses coupables activités. Transféré au siège du KGB, Ogoronik reconnaît rapidement qu'il est une taupe de la CIA. Et puis, d'après ce que vous me dites, il n'a guère le choix. Hein. Oui, et très coopératif, il propose à ses gardiens de coucher par écrit ses aveux. Et les hommes du KGB acceptent ? Bien sûr. Dans leur système bureaucratique, le papier est roi. On lui apporte donc quelques feuillets et un stylo. Mais Ogoronik demande à utiliser son propre stylo. Le KGB n'y voit pas malice et on satisfait sa demande. Toutefois, aussitôt en possession de son stylo, il le dévisse, en sort la capsule de cyanure que la CIA lui a donnée et l'avale. Ouais. J'imagine qu'il meurt presque immédiatement, hein, sans avoir révélé ses secrets. Et dit-on, ce grave échec du KGB servira de leçon aux agents chargés d'intercepter les taupes. Peut-être. Mais permettez-moi quand même de nourrir des doutes. Le scénario me paraît excessivement rocambolesque. Une fiction ? Pourquoi pas ? On va y revenir. Mais auparavant, attardons-nous un instant sur ce couple, les Köcher. Lui, Karl, est entré très jeune au STB, tout en écrivant des pièces pour la radio nationale. Polyglotte, c'est un excellent élément. Et très vite, il est sélectionné par ses maîtres pour devenir un illégal de l'autre côté du rideau de fer. Un illégal, il faut le rappeler, hein, c'est une taupe immergée à l'étranger. Mmh. Et à laquelle on a confectionné une couverture parfaite. Une nouvelle identité en particulier. Bien entendu. Mais avant d'être envoyé aux États-Unis, Karl se marie. Sur ordre ? Vraisemblablement. De 10 ans plus jeune que lui, Anna est une superbe blonde aux yeux bleus. Ah oui, une bombe. C'est la vie de tous ceux qui ont eu la chance ou le malheur de la rencontrer. Ouais. Est-ce que Anna va suivre son mari ? Bien sûr. Un couple, ça passe plus facilement inaperçu. Et en 1965, les deux époux passent aux États-Unis, où ils affirment avoir fui les persécutions du régime communiste. Ouais, ça c'est classique. Hein. Et leur intégration se déroule très bien. Karl travaille à Radio Free Europe, tout en suivant des cours à l'université d'Indiana, puis à Columbia, d'où il sortira avec un doctorat en poche. Quant à Anna, elle trouve à s'employer d'abord dans un laboratoire, et ensuite chez un expert en pierres précieuses. Ce qui lui permettra de faire de nombreux voyages en Europe. Oui, mais servir de courrier à ce moment-là. Oui. Au reste, les Köcher, installés à New York, mènent une vie mondaine trépidante. Karl, beau parleur, séducteur, très demandé. Et quant à elle, elle n'a aucun mal à se constituer une petite cour. Tous deux multiplient les expériences sexuelles, échangisme partout, etc. À tel point que dans ces années 70, où le sida n'a pas encore frappé, on les présente comme des athlètes du sexe. Pas moins. En tout cas, ces prouesses sexuelles ne peuvent pas nuire à leur travail de taupe. Au cours de ces soirées très spéciales, le couple rencontre du beau monde. Ils récoltent des informations. Oui, ouais. Mais la véritable ambition de Köcher, c'est d'approcher les services secrets et même d'y être employé. Et c'est pourquoi Karl et Anna déménagent à Washington. Près du siège de la CIA, donc. Et là, tout en continuant à mener une vie de patachon qui leur permet d'approcher le personnel politique de la capitale, Köcher parvient à ses fins. Ah oui, il va être engagé par la CIA. Et en raison de sa parfaite connaissance du russe et du tchèque, il est chargé de rédiger des évaluations sur les rapports qui viennent de l'Est. Mais allons vite. Mais ça ne vous ressemble pas. Allons. Non. Donc Köcher est devenu un homme très précieux, aussi apprécié par son service, le STB, que par ses employeurs de la CIA. Mais tout a une fin. Köcher est à son tour trahi. Par qui, hein ? Un transfuge tchèque. Et le couple est envoyé en prison. Mais auparavant, c'est ce que j'ai cru comprendre, les Köcher ont dénoncé Ogoronik, hein, c'est ça ? C'est ce que prétendent les Américains. Et puis, il y a cet échange en 1986. Karl et Anna, de retour dans leur pays, sont accueillis comme des héros et bénéficient de tous les avantages matériels attribués aux membres de la nomenclatura. Maison, voiture, etc. Mais ils prennent leur retraite d'espion, là, à ce moment-là. Bah, je vous ai déjà dit que lorsqu'on a commencé à fricoter avec le monde du renseignement, on n'en sort jamais totalement. C'est en particulier vrai pour la séduisante Anna qui parviendra à se faire embaucher par l'ambassade de Grande-Bretagne à Prague. Malgré son passé. Eh oui, mais un journaliste finira par s'étonner et elle sera virée. Fin de l'histoire des Köcher qui ont fait les beaux jours, ou plutôt les belles nuits de la société émancipée de Washington. Ouais. Alors, venons-en, mais ce qui compte, la vérité au sujet de Ogoronik. Volontiers, puisque vous avez eu la patience d'attendre, mon cher. Voyez-vous, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est cette profession de foi anticommuniste dans son journal intime. pour les agents du KGB chargés de la sécurité de l'ambassade de Bogota et de la surveillance de ses employés, il n'était pas question de respect de la vie privée. Et un jour ou l'autre, en opérant une fouille, ils auraient découvert ce texte coupable. Oh, et s'il avait caché son journal chez sa maîtresse, là, Diana ? Vous croyez vraiment que ça les aurait empêchés de pénétrer clandestinement chez Diana ? Non. D'autant que Gornick n'aurait pas pu dissimuler très longtemps sa liaison. Ces quelques lignes, à l'évidence, étaient destinées à appâter les âmes de la CIA. Ça voudrait donc dire, selon vous, hein, que Gornick était de mèche avec le KGB ? J'en suis à peu près persuadé. Peut-être même ne le savait-il pas. Comme je suis sûr que dans les documents qu'il a transmis à l'Ouest, il y avait au milieu d'authentiques renseignements, des informations falsifiées, destinées à tromper le gouvernement états-unien. Ouais, de la désinformation. Hein. Cette désinformation, dont le chef du KGB, Andropov, était le champion incontesté. Et puis, autre interrogation. Pensez-vous qu'on aurait attribué à un diplomate tout juste revenu de l'Ouest un poste aussi sensible au ministère des Affaires étrangères ? Non, je n'y crois pas. Oui, mais alors, la dénonciation des Kocher et surtout ce suicide du diplomate. Un montage. D'accord, mais alors, que serait devenu Gorotnik ? Et savoir. À Moscou, on a peut-être jugé plus prudent de le faire disparaître. Raison d'État ? Sous Brejnev, on avait guère d'état d'âme. Et, dernière question. Si vous avez raison, ce dont franchement, je doute, moi. Pourquoi cette opération d'intoxication s'est-elle brusquement arrêtée ? Il n'y a que deux réponses possibles. Ou bien la CIA a commencé à se rendre compte qu'on essayait de la manipuler, ou bien alors l'élection du président Carter fin 1976 a joué un rôle. Carter, qui voulait moraliser l'action de la CIA et qui a peut-être décidé de mettre fin à une manœuvre d'espionnage qu'il désapprouvait. À ma connaissance, dans l'abondante littérature consacrée aux affaires d'espionnage, seuls Étienne et Moniquet, dans leur monumentale histoire de l'espionnage mondial, ont émis l'hypothèse qu'Ogornik était de connivence avec le KGB. Mais pour ces deux auteurs, c'était parce qu'il avait été découvert dès 1975, alors qu'il se trouvait encore à Bogota.